بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 92 dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, Sharh Aqidat Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et on est arrivé aujourd'hui à un nouveau chapitre, une nouvelle partie dans le livre, c'est à propos du dernier parmi les piliers de la foi, Al-Iman bil-Qadar. Hein? Et le Cheikh, il explique ici, il dit « Wa nu'minu bil-Qadari khayrihi wa sharrihi wa huwa taqdiru Allah ta'ala lil-kainat hasba ma sabaqa bihi ilmuhu wa qtadathu hikmatuhu. » Donc ici, le Cheikh, il explique que nous croyons en la prédestination. Khayrihi wa sharrihi, c'est-à-dire ce qui a été prédestiné de bien ou de mal. Et que ça, c'est prédestiné, c'est la prédestination d'Allah pour toutes les créatures et toutes les choses qui existent, selon ce qui a été établi dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été impliqué par sa sagesse, par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il explique ce premier point-là en disant نؤمن بالقدر خيره وشره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد تقدم الكلام ولله الحمد على هذه الخمس وبقي السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. Donc il dit, on doit croire en la prédestination de ce que Allah a prédestiné comme bien ou comme mal. Et ça, c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril, qui est un hadith très célèbre, qui clarifie que la foi, ça consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Et ces cinq-là, on en a parlé, alhamdoulilah, dans les piliers précédents, les piliers de la foi précédents, les cinq premiers. Et là, il reste le dernier, qui est le sixième pilier de la foi, c'est-à-dire Al-Qadr. الإيمان بالقدر خيره وشره, c'est-à-dire de croire en ce qui a été prédestiné de bien ou de mal. Et le Cheikh, il dit, والإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه. Donc la foi en le Qadar, c'est une chose qui est obligatoire. C'est obligatoire en islam. Un musulman, il peut pas dire, par exemple, non, moi je crois pas en le Qadar. C'est obligatoire de croire en le Qadar et ça fait partie des éléments de la foi. Si quelqu'un renie le Qadar, il ne croit pas en l'islam, il n'a pas cru en Allah. Et il dit le Cheikh que de croire en le Qadar, ça fait partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que Allah a prédestiné, hein, pour les créatures. Et selon ce qui est impliqué par la sagesse et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite wa qawluhu khayrihi wa sharrihi al-muqaddaru lil khayri huwa Allah aw al-muqaddiru lil khayri huwa Allah ta'ala wal muqaddiru lil sharri huwa Allah fa kullu ma fil kawn min khayrin wa sharrin wa ni'amin wa bala'in wa faqrin wa ghina wa 'izzin wa dhullin wa imanin wa kufrin kulluhu min Allah la yujadu shay'un kharaja 'an mulkihi. Donc le Cheikh, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nous croyons en qu'est-ce qui a été prédestiné de bien ou de mal, celui qui a prédestiné les choses, celui qui a prédestiné le bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a prédestiné le mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ce qu'il y a dans la création, et dans l'univers, eh bien, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit une grâce ou un malheur, une pauvreté ou une richesse, une puissance ou une faiblesse ou une humiliation, une foi ou une mécréance, tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui existe qui sort de son royaume et de sa propriété. Et le Cheikh, il dit ensuite, وَلَكِنْ يَبْقَ النَّظَرُ كَيْفَ يَكُونُ الشَّرُّ مِنَ اللَّهِ نَقُولُ نَعَمْ يَكُونُ الشَّرُّ مِنَ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ إِلَى اللَّهِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح الشر ليس إليك وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله. فتقول الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي يحدثها الله عز وجل شرور خلقها الله مثل الحريق الذي يلفت يتلف أموالا وأنفسا شر خلقه الله والعواصف المدمرة خلقها الله والفيضانات المغرقة خلقها الله والأوبئة المهلكة خلقها الله كلها شر والمعاصي والكفر والإلحاد والتطاحن بين المؤمن والكفار بين المؤمنين والكفار شر لكن خلقه الله إذن كل شيء من الله تعالى ليس الشر ولكن ليس الشر إليه أو الشر ليس إليه بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة فالإنسان قد يصاب بالمرض ويتأذى به ويشق عليه ولكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض. Donc on va expliquer ce passage là qui est extrêmement important. Le cheikh il explique ici un point qui est la question de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'on dit qu'il a prédestiné le bien et le mal, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que le mal vient d'Allah hein? Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a des gens parmi les kuffars et même parmi certains musulmans qui n'ont pas compris comme il faut la religion, ils disent non, Allah n'a pas créé le mal ou le mal ne vient pas d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Il n'accepte que le bien. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Mais est-ce que ça implique qu'il n'a pas prédestiné qu'est-ce qui arrive dans l'univers comme mal? Et là, le shaykh, il explique ça. Il dit, oui, on dit que le mal, il vient d'Allah. Hein? Le mal, il vient d'Allah, mais il n'est pas attribué à Allah. Il vient d'Allah, mais il n'est pas attribué à Allah. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le dua, dans le début de la prière, un dua qu'il nous a enseigné, il dit « وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكِ » C'est-à-dire, le mal ne t'est pas attribué. Hein, il ne t'est pas attribué. Dans quel sens? Eh bien, il dit, le cheikh, il faut faire attention à la distinction subtile qu'il y a entre ces deux paroles-là. Premièrement, le fait de dire que le mal vient d'Allah et le fait de dire que le mal ne lui est pas attribué, n'est pas attribué à Allah. Ou bien le mal ne revient pas à Allah. Dans quel sens? Et qu'est-ce que ça signifie? Chacune de ces paroles a un sens très subtil et il est bien de le comprendre comme il faut pour éviter de tomber dans des erreurs dans la compréhension de la aqida à ce sujet-là. Premièrement, quand on dit que le mal vient d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le mal qui se produit dans la création, eh bien, c'est Allah qui l'a créé. Et tous les mals que Allah a créés, que ce soit le feu qui brûle les biens des gens ou qui détruit les vies même, le feu, ça brûle et ça tue. Donc, s'il y a un feu dans un immeuble, ça va brûler l'immeuble et ça va brûler peut-être même des habitants dans cet immeuble-là. Qui a créé ce feu-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. C'est Allah qui a créé cette chose-là. De même que, également, les tornades ou les ouragans, hein, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, alors qu'elles sont destructrices. De même que les inondations, les tsunamis, tout ça, c'est Allah qui les a créés. Hein? Et tous les malheurs hein, et les choses qui peuvent se produire dans la création, tout ça sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et dans toutes ces choses-là, il y a un mal. De même que les péchés, la mécréance, hein, l'athéisme ou le rejet de la foi, le shirk, les conflits entre les croyants et les kuffars, Tout ça, c'est du mal, mais c'est Allah qui les a créés. Donc, on peut dire que tout ce qui existe, ça vient d'Allah, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Ensuite, le cheikh, il dit, sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit le mal n'est pas à lui, c'est-à-dire on ne va pas lui attribuer le mal, dans le sens que ce mal qui existe, hein, dans les créatures, il n'est pas, on ne doit pas l'attribuer, yani, il dit, on ne doit pas l'attribuer à Allah dans quel sens? C'est dans le sens que, yani, dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait, dans l'action d'Allah, il n'y a pas de mal en réalité. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le bien et il a créé le mal. Sauf que dans l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal par rapport à son action. Pourquoi? Parce que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, que ce soit bien ou que ce soit mal, et tout ce qu'il a prédestiné, il ne l'a prédestiné que pour une sagesse, c'est-à-dire pour un but et un objectif. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné quelque chose pour une sagesse quelconque, eh bien, par rapport à Allah, cette sagesse-là et ce but, eh bien, c'est un but qui est louable et c'est un but qui est bon en soi. Donc, même si l'affaire ou la situation ou la chose en particulier qui a été prédestinée ou qui a été créée, elle est mal, mais par rapport à la sagesse et au but pour lequel Allah l'a créé, cette chose-là, en réalité, Allah l'a créé pour un but qui est bon. Et donc, c'est comme, par exemple, il donne l'exemple, si quelqu'un, par exemple, il a été touché par une maladie quelconque, ou il a été frappé par un mal quelconque, et quelque chose qui est dur pour lui. Donc, c'est sûr que cette chose-là que Allah a créée, cette maladie qu'il a créée en lui, est un mal. Sauf que ce mal-là peut être une cause pour que cette personne-là revienne sur le droit chemin, hein, et qu'il se remette en question et qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de cette maladie-là. Hein. On a vu beaucoup de gens comme ça, qui étaient dans l'insouciance et dans le péché, et dans l'égarement, et dans la perte de temps et le gaspillage et beaucoup d'autres choses. Et quand ils ont été frappés par une maladie ou par quelque chose, ils ont réalisé qu'ils doivent cesser de gaspiller leur vie, gaspiller leur temps et se remettre sur le droit chemin et se reprendre en main. Et ça a été une cause pour qu'ils reviennent sur la vérité, sur la droiture. Donc, peut-être qu'en apparence, cette maladie-là est un mal, mais Allah subhanahu wa ta'ala est dans le but qu'il a, pour lequel Allah l'a créé. C'est clair qu'il y a un bien derrière. Et que le but et la sagesse derrière ce mal-là est un but et une sagesse qui est bonne. Et donc, qui peut réellement comprendre la valeur de la santé, hein? Qui peut réellement apprécier et comprendre la valeur de la santé, excepté une personne qui a été frappée par une maladie? Tu ne pourras jamais apprécier la vraie valeur et l'importance de la santé tant que tu ne l'auras pas perdue. Et donc, par le fait d'être touché par une maladie, c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas être encore plus reconnaissant vis-à-vis de la santé, et tu vas comprendre la grande importance de la santé. Donc, il dit le cheikh, « فَأَنْتَ الْآنْ تَتَنَفَّسْ بِسُهُولَ وَتَتَكَلَّمُ بِسُهُولَ وَتَقْضِي حَاجَتَكْ بِسُهُولَ لَكِنْ لو أصبت بعائق ضيق ضيق بعائق ضيق التنفس عرفت قدر نعمة عليك نعمة الله عليك بالنفس ولو أصبت بحبس البول وعرفت نعمة الله عليك بسهولة إخراجه ولو أصبت بسلس البول عكس الحبس يعني عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على حبسه فكثير من الناس استقاموا حين ابتلوا ببلاء. Il dit le cheikh, si par exemple il dit maintenant tu vois que tu respires avec facilité, tu arrives à respirer facilement, tu arrives à parler avec facilité, tu arrives à faire tes besoins facilement, hein, quand tu vas faire tes besoins, tu les fais avec facilité. Mais si tu étais touché par un malheur, ou une maladie quelconque, comme par exemple les gens qui ont une difficulté de respirer. Ils ont le souffle court, ils n'arrivent pas à respirer comme il faut. Hein? Quand ils respirent, c'est comme s'ils respiraient à travers une paille. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas assez d'air qui rentre dans leur poumon. Donc, quand tu aurais été touché par ce mal-là et que tu as de la difficulté à respirer, tu réalises à quel point le fait de pouvoir respirer, c'est une grâce de la part d'Allah. Et si tu es touché, par exemple, par le fait de ne pas pouvoir aller uriner. Hein, y a des gens qui ont cette maladie-là, ils n'arrivent pas à uriner, subhanallah. Alors, vous imaginez à ce moment-là la difficulté que cette personne-là peut ressentir et par rapport à la personne qui peut uriner facilement, eh bien, il va reconnaître la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a faite de pouvoir justement être capable d'uriner facilement. Tandis que l'autre personne qui a la maladie contraire, c'est-à-dire qui n'arrive plus à retenir son urine, hein, eh bien, il réalise à quel point c'est une grâce de la part d'Allah de pouvoir justement retenir cette urine-là, hein, et de ne pas justement souiller ses vêtements ou souiller ses habits ou des choses de ce genre. Donc, beaucoup de gens ont été capables de se remettre sur la droiture et revenir sur la foi et la foi et sur la religion lorsqu'ils ont été touchés par un malheur quelconque et une épreuve dans leur vie, hein? Et donc ça fait partie des exemples. Et il dit, le cheikh, il dit wa haddathani rajul annahu kana min ashadd an-nas ilhadan la yusalli wa la yatahasha an zina wa la an mukhaddirat wa la an khumur فاسق بمعنى الكلمة فلما مات أبوه الذي كان عاجزا عن تربيته فيقول لما مات أبي وعرفت المصيبة آمنت فآمن لأنه عرف الله عز وجل واستقام وصار إلى أن حدثني من الملتزمين الذين نشهد لهم بالخير إذن. Hein? Subhanallah. Idhan, هذه المصيبة التي حصلت له بفقد أبيه صارت خيرا له. Idhan, الشرور التي تكون في مفعولات الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله لأن فعل الله كله خير والشر يكون في المفعولات. فانتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكل عليك وعليه فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالقدر خيره وشره أي نؤمن بالمقدور خيره وشره أما القدر الذي هو تقدير الله عز وجل فوالله إنه كله خير. Donc le cheikh il dit un homme m'a raconté qu'il faisait partie des gens les pires parmi les athées, hein, les gens déviés. Il dit, il ne faisait pas la salat. Hein? Il ne se préservait pas de faire le zina. Il faisait le zina normal. Il buvait de l'alcool. Il prenait des drogues. Hein? Il était vraiment un pervers dans le sens du mot pervers. Et lorsque son père est mort, hein? Son père qui avait été incapable de l'éduquer comme il faut, lorsqu'il est mort, il dit, mon père, lorsqu'il est mort, j'ai su, hein, à quel point c'était un malheur qui était grand. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à croire. Donc, quand il a perdu son père, il a réalisé la réalité de la vie. Et à cause de ça, il est devenu croyant. Il a cru. Pourquoi? Parce que il a connu Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et il s'est mis droit. Hein, il s'est mis sur la droiture et jusqu'au moment où il m'a parlé, il était parmi les gens qui étaient accrochés à la pratique de la religion. Et donc, il a fait partie des gens au sujet desquels on est témoin qu'il fait partie des gens du bien. Donc, ça veut dire que le malheur qui nous touche, hein, par rapport à nos proches, par exemple, lorsqu'on perd notre père ou notre mère ou des gens de la famille, eh bien, même si c'est un mal en apparence, mais ça peut être également une source de bien. Donc le cheikh, il dit, ça veut dire que les mots et les choses mauvaises, elles sont uniquement dans les choses yani, telles que Allah subhanahu wa ta'ala les fait. Mais en réalité, elles ne sont pas mal en soi par rapport à l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, puisque tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait est bien. Et le mal, c'est uniquement dans les créations, dans la chose que Allah a créée, qu'il existe, et non pas en l'action d'Allah ou en ce que Allah a fait lui-même. Il dit, alors fais attention de bien comprendre la différence. La différence, c'est comme par exemple le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, et ça c'est un exemple que j'ai trouvé très simple à comprendre pour faire cette distinction-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la nourriture, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le mal, il a créé les péchés, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas le mal. Le fait qu'Allah l'ait créé, ça ne veut pas dire que c'est lui qui le fait. C'est ça qu'il faut comprendre de cette différence-là. Et c'est une différence qui est subtile et qui peut être une source de problème pour certaines personnes dans leur compréhension. Mais il faut donc comprendre que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nous croyons en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal », c'est-à-dire que dans ce que Allah a créé, hein, il y a du bien et il y a du mal. Mais en ce qui concerne la prédestination elle-même et ce que Allah yani, a prédestiné, qu'est-ce qu'il fait lui-même, eh bien ça c'est clair que tout ce qu'il fait est bon. Hein, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, c'est bon. Même si en apparence, pour nous, ça peut nous sembler mauvais ou même s'il peut paraître mauvais, mais le but et la sagesse derrière et la raison pour laquelle Allah l'a créé, il y a du bien derrière. Donc, il donne d'autres exemples encore. Il dit, فَإِنْ قِيلَ هَلْ وُجُودُ الشَّيْطَانِ خَيْرٌ فَالْجَوَابُ نَعَمْ فَلَوْ لَا وُجُودُ الشَّيْطَانِ مَا عَرَفْنَا قَدْرَ الطَّاعَاتِ لِأَنَّ الَّذِي يُجَاهِدُنَا عَلَى الطَّاعَاتِ هُوَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِي يُوَسْوِسُ لَنَا بِالْمَعَاصِ هُوَ الشَّيْطَانِ وَلَا نَعْرِفُ قَدْرَ النِّعْمَةِ إِلَّا بِذَلِكَ وَلَوْلَا وُجُودُ الشَّيْطَانِ مَا كَانَ هُنَاكَ كَافِرٌ ولم يستقم الجهاد ولم يستقم الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر وهلم جرى وكذلك أيضا الأفاعي والسباع فوجودها خير وذلك لتعرف قدر نعمة الله عليك ثم إن الأفعى بالنسبة للبعير كذيل البعير ومع ذلك الأفعى لو أمسكتك لأهلكتك وبينما البعير يأتي إليك منقادة بكل سهولة بل إن الصبي الصغير الذي أقل من سائق البعير يعني يقودها بكل سهولة ويركبها ويحمل عليها ويعني يبركها ويحمل عليها ويركبها وهي تجتر أي تعلك الطعام وليس على بالها وبذلك تعرف قدر الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء كثيرة يطول شرحها. المهم أن تؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بتقدير الله عز وجل من خير أو شر. Et le cheikh il explique donc, il dit, est-ce que dans la création du shaitan il y a du bien? Il dit oui, il y a du bien là-dedans. Il dit parce que s'il n'y avait pas l'existence du shaitan, on n'aurait pas connu. Hein? On n'aurait pas connu la valeur de l'obéissance à Allah. Et il dit, parce que c'est lui qui lutte contre nous pour nous empêcher de faire yani, les actes d'obéissance. C'est qui nous empêche de faire les actes d'obéissance? C'est le shaitan. C'est lui qui vient nous inspirer et nous souffler des tentations de faire des péchés. C'est le shaitan qui fait ça. Et donc, on ne pourrait pas connaître la grâce et la valeur de l'obéissance d'Allah, excepté avec l'existence du diable, le shaitan. Et s'il n'y avait pas le shaitan, si le shaitan n'existait pas, il n'y aurait pas de kuffar. Il n'y aurait pas de djihad non plus. Il n'y aurait pas de lutte dans le sentier d'Allah. Et il n'y aurait pas le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, puisque tout le monde ferait le bien si le shaitan n'était pas en train de tenter les hommes vers le mal. Et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est des exemples pour comprendre, pour même dans la création de quelqu'un qui est mauvais, comme Iblis, hein, comme le shaitan, eh bien, il y a un bien derrière dans le fait qu'Allah l'ait créé. Parce que tout ce qu'Allah a créé, il l'a créé pour une sagesse qui est bonne. Hein, des fois, les gens, ils disent, par exemple, on a besoin des criminels, sinon, qu'est-ce que les policiers feraient quoi? Hein? Comment ils les arrêteraient? Hein? Ils arrêteraient qui? Ils arrêteraient quoi? Toute chose qui a, tout le bien et le mal, les deux, Allah les a créés pour une sagesse et pour qu'il y ait une lutte et un combat entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Sauf que ça ne veut pas dire que Allah aime le mal. Et ça ne veut pas dire que la personne qui fait le mal, Allah l'aime, ou que cette personne-là est agréée, ou que le shaitan est agréé d'Allah. Non, le shaitan, il est maudit. Le shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, il le déteste. Allah subhanahu wa ta'ala lui a même promis l'enfer. Hein? Et tous ceux qui le suivent et qui l'obéissent aussi sont sous la menace, et ils sont menacés de l'enfer, et ils vont faire partie de ses alliés dans l'enfer. Hein? Et Allah les déteste. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le shaitan. Ça ne veut pas dire qu'il est satisfait du shaitan ou qu'il aime le shaitan et qu'il est d'accord avec ce qu'il fait. Donc ça, c'est important de comprendre. Ensuite, le cheikh, il dit « thumma », hein, il dit par exemple aussi les exemples des animaux de proie ou les animaux sauvages qui sont dangereux, comme par exemple les serpents ou les lions, les tigres, les animaux sauvages comme ça. Hein? Est-ce qu'il y a du bien dans leur existence? Il dit le cheikh, oui, il y a un bien dans leur existence. Il dit, c'est ainsi que tu arrives à reconnaître la valeur de la grâce que Allah t'a faite. Parce que le serpent, par exemple, si tu compares le serpent et une mule ou un chameau, par exemple, il dit, tu vois que le serpent, il y en a, si tu essaies de le prendre, si c'est un serpent venimeux, tu le prends, il va te mordre et puis il va te tuer avec son poison, avec son venin. Tandis que l'âne, ou plutôt le al-ba'ir, c'est-à-dire le chameau, si tu le prends, il vient soumis. Tu le tires par la corde et puis il vient, il va pas se débattre, il va pas essayer de t'attaquer. Même un petit enfant, il peut le prendre et le tirer avec lui et puis il peut le faire s'asseoir, mettre les choses dessus et monter dessus lui aussi. Et puis, il va l'amener où il veut. Et pendant ce temps, il lui donne à manger, il va manger. Il ne pense pas à autre chose. Tout ça, c'est par la volonté d'Allah. Et c'est ainsi que tu arrives à comprendre la valeur de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le fait que tout ce qu'il fait, c'est par... Hein, sa prédestination, tout ce qu'il a prédestiné, c'est par sa grâce et par sa miséricorde et par sa sagesse. Et il dit, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait donner comme exemple à ce sujet-là, et ce serait long de les expliquer toutes. L'important de comprendre ici, qu'est-ce qui est important à comprendre ici, c'est que tout ce qui se produit dans les cieux et sur la terre, eh bien, c'est uniquement par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit du bien ou du mal. L'autre jour, c'est juste pour donner un exemple, ok. L'autre jour, j'avais un rendez-vous avec un frère. On devait aller manger quelque part. On n'est jamais allé manger là-bas. C'était la première fois. Et on a vu leurs horaires d'ouverture. Donc, on est arrivé à telle heure. Et puis, en principe, ils devaient pas fermer avant 3 heures après. Il restait encore 3 heures avant la fermeture. Donc, c'était un jour, il faisait froid. Et on est sorti comme ça, il y avait de la neige et tout. Bon, moi je suis sorti, le frère il est venu me rejoindre là-bas. Moi je suis arrivé avant lui. Et quand je suis rentré, et puis la personne qui était à la caisse, elle a dit, désolé, aujourd'hui, on va fermer. On va fermer maintenant, le chef, il est déjà parti. Donc, on ne peut pas vous servir rien. Donc, il y avait deux personnes qui étaient là, qui terminaient leur repas. Puis, moi, j'étais déçu parce que j'avais envie d'aller manger là depuis longtemps. Et puis, finalement, j'arrive et puis on me dit que c'est pas possible. Ils ont une réunion spéciale. Puis, finalement, ils ne pouvaient pas nous servir. Bon. J'ai dit, d'accord, est-ce que je peux m'asseoir quelques instants pour attendre jusqu'à ce que mon ami vienne me rejoindre? Parce qu'attendre dehors, il faisait très froid. Donc, la personne a dit, OK, d'accord. Donc, j'ai attendu quelques instants. Puis, même pas 5 minutes après, la personne est venue. Elle a dit, ben, finalement, vous devez partir parce qu'on va fermer. Donc, j'ai dit, ah, d'accord, je reviendrai une autre fois, mais j'ai dit, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se produit dans les cieux ou sur la terre, excepté que c'est parce que c'est une sagesse divine. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse derrière cette décision-là. La personne en question, elle n'avait pas l'air d'être une musulmane ou d'être musulmane. Donc, ça l'a surpris, hein? Ça l'a étonné d'entendre ce genre de commentaires. Parce que quand tu vois les gens, tu ne peux pas savoir est-ce qu'ils sont sincères ou est-ce qu'ils disent les choses vraies avec vérité ou non. Peut-être que c'était vrai, l'excuse était vraie, ou peut-être que c'était une fausse excuse. Mais c'est Allah qui sait la réalité derrière ça. L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est de savoir qu'il n'y a rien qui se passe excepté qu'il y a une sagesse derrière. J'ai dit, peut-être que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on découvre par la suite un autre endroit qui va être encore meilleur qu'ici. Ou bien peut-être que le fait de manger à cet endroit-là ce jour-là, ça aurait été mauvais pour nous. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver. Et effectivement, en sortant, on a trouvé une autre place qui était yani, vraiment, vraiment bien et on a été vraiment content. Donc, c'est pour dire que quelque chose peut nous sembler décevant ou être triste. Puis à la fin, en réalité, à la fin, on constate que ça a été un bien pour nous en réalité parce que on a trouvé à la place quelque chose de beaucoup mieux. Mais je pense aussi, et ça c'est important de le comprendre, c'est que selon l'attitude et selon notre comportement et notre réaction vis-à-vis des événements qui se passent dans notre vie, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite le bien encore plus et il nous amène encore plus vers des bonnes choses lorsqu'on accepte avec foi ce qu'il nous a prédestiné comme difficulté et comme épreuve. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Et les mufassirin, les savants, ils ont dit par rapport à ce verset-là, c'est-à-dire c'est la personne qui est touchée par un malheur quelconque ou par quelque chose et qui reconnaît que ça vient d'Allah, ok? Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui guide, l'augmente en guidance dans son cœur à cause de ça. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter en guidance et de nous mettre la satisfaction dans notre cœur pour tout ce qu'il a prédestiné pour nous dans les épreuves de notre vie. Après, le cheikh, il dit: Wal ajabu anna al-mu'tazilat alladhina yaz'umuna annahum yunazzihuna Allah azza wa jal yaquluna inna al-ma'asi min fi'l al-'abd wa laysat min Allah. قال قائلهم سبحان من تنزه عن الفحشاء لأن الله قال في كتابه إن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهذه المقولة منهم ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء يريد أن الزنا أن زنا الزاني ليس بتقدير الله. فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فخصمه: لأنك إذا قلت إن المعاصي ليست من مخلوقات الله صار في ملك الله ما لا يريد، وصار ملك الله قاصرا لا يعم كل شيء. Donc ici le point, l'explication que le cheikh il donne, elle est très intéressante. Il explique que c'est étonnant de la part des Mu'tazila. Vous savez que les Mu'tazila font partie des Qadariya. Les Mu'tazila, c'est une secte parmi les sectes d'égarement et les sectes de Bid'a qui renient la prédestination. Ils ne croient pas en la prédestination et ils rejettent le Qadar. Il est où l'autre? Ils rejettent le Qadar et ils rejettent la prédestination. Donc, on les appelle Qadariya à cause de ça, parce qu'ils rejettent le Qadar, ils renient le Qadar. Et yani, ils disent vouloir purifier Allah de toute imperfection. Donc ils disent par exemple que les péchés qu'on fait, c'est de nos actions à nous, c'est pas prédestiné par Allah. Ils disent les péchés que les hommes font, c'est pas Allah qui les a prédestinés, c'est nous-mêmes qui les faisons sans que Allah les prédestine. Donc ça implique des choses très dangereuses et très graves. Et le cheikh, il dit que parmi eux, il y en a qui faisaient l'invocation et qui disaient gloire à celui qui est purifié de toute turpitude, hein, de toute fahsha. Et il se base sur le verset 28 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةِ » dit « Certes, Allah n'ordonne pas la turpitude. » Il dit cette parole, en apparence, on dirait une miséricorde, mais en dessous, il y a un châtiment caché. Et c'est quoi? C'est qu'il dit « سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْفَحْشَةِ » c'est-à-dire que « Gloire à celui qui s'est purifié des turpitudes. » Il veut dire par cela que Allah n'a pas prédestiné l'adultère de celui qui a fait l'adultère. Alors, la personne qui est sur la sunna lui a répondu à celui-là. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Gloire à celui que rien dans son royaume ne se produit excepté ce qu'il a voulu. » Rien ne se produit dans son royaume et dans sa création sauf ce qu'il a voulu. Alors, il l'a complètement mis KO avec cette parole. Il l'a complètement écrasé dans son argument avec cette réponse. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu dis qu'il y a des péchés dans la création et que ces péchés-là, ce n'est pas Allah qui les a créés, ce n'est pas Allah qui les a prédestinés, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui se produisent dans la création et dans le royaume d'Allah que Allah n'a pas voulu. Donc ça veut dire que Allah il n'est pas tout puissant dans ce cas-là, hein? Parce que il y a des choses qui se produisent dans son royaume et dans sa création que lui il veut pas ou que lui il a pas voulu, il a pas prédestiné. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que la puissance d'Allah elle est limitée. Et ça c'est kufr, c'est grave. Hein? Et que son pouvoir et son domaine sur la création est limité et restreint et pas général à toute chose. Mais pourtant Allah il dit qu'il est ala kulli shay'in qadir. Il a le pouvoir sur toute chose. Donc comment tu peux dire que il peut se produire dans sa création des choses que Allah n'a pas voulu, hein? Comme par exemple les péchés. Et il dit wa qawluhu wa huwa taqdirullah subhanahu wa ta'ala lil ka'inat hasba ma sabaqa bihi ilmu. Idhan الله عز وجل عالم بكل شيء حتى الذي لم يقع فهو عالم به ولكن هنا إشكال وهو قول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فهاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل ونحن نقول إن علم الله أزلي فكيف نجيب عن هذه الآيات نقول الجواب عن هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أن علمه بها بعد وقوعها علم بوقوعها، وعلمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع، فبينهما فرق. فأنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن للظهر الساعة الثانية عشرة الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق، نعم، فهذا علم فهذا علم به قبل وقوعه، فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجددا، لأنه سبق أني عالم بذلك، ولكنه علم به بعد وقوعه. فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها هو علم بأنها ستقع، وعلمه بها بعد وقوعها هو علم بأنها واقعة. والوجه الثاني وهو أسد، أن نقول علم الله قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. Donc on va traduire jusqu'ici. C'est un point assez subtil, faites attention inshallah pour essayer de bien comprendre. Le cheikh il dit que Allah subhanahu, donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné toute chose, le bien ou le mal, et la prédestination, al-qadar, c'est ce que Allah a prédestiné pour les créatures dans la création selon ce qui a précédé dans sa science. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il connaissait toutes choses préalablement, il connaissait toutes choses préalablement et éternellement, c'est-à-dire il a toujours su ce qui allait se produire et il sait toutes choses éternellement, d'accord? Oui, ça c'est un des piliers du qadar. Il dit même les choses qui ne se produisent pas, il sait comment elles se seraient produites si elles s'étaient produites. Donc ça c'est pas un problème. Mais il dit, il connaît toutes choses et même les choses qui ne se sont pas encore produites, il les connaît. Mais il y a un problème ici et c'est dans les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme le verset 31 et le verset 31 dans surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous allons vous éprouver jusqu'à ce que nous connaissions, jusqu'à ce que nous sachions qui sont les mujahidin d'entre vous, qui sont ceux qui vont lutter dans son sentier parmi vous, et les endurants, jusqu'à ce que nous sachions ou nous connaissions ceux d'entre vous qui sont les endurants, ceux qui vont lutter dans son sentier et ceux qui sont les endurants. L'autre verset qu'il a mentionné comme exemple, c'est le verset 42 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que vous pensez-vous que vous allez entrer au paradis alors que Allah n'a pas encore su ceux d'entre vous qui vont lutter ou qui luttent et qu'il connaît et tant qu'il n'a pas ou avant d'avoir connu ceux d'entre vous qui vont être patients et endurants. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Dans ces deux versets là, il y a la mention du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il nous met à l'épreuve pour voir ou pour savoir qui d'entre nous va être patient, va lutter et va être patient, ou va lutter et va être endurant. Donc ça, il dit le cheikh que c'est des versets qui donnent l'impression que la connaissance d'Allah, elle se renouvelle. C'est des versets qui donnent l'impression que la science d'Allah, elle se renouvelle. Et nous, on dit la science d'Allah, elle est éternelle. Alors, comment on peut répondre à ces versets-là? Et comment on peut comprendre ces versets-là comme il faut? Eh bien, le cheikh, il explique, il dit, il y a deux réponses. Ou bien plutôt, on peut répondre à cette question-là par rapport à ces versets-là de deux façons. Hein, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait déjà à l'avance qui va lutter dans son sentier. Il sait déjà à l'avance qui va être endurant. Donc pourquoi il dit jusqu'à ce qu'on sache, ou pour qu'on sache qui est parmi ceux qui vont lutter et qui est parmi ceux qui vont être endurants. Pourquoi il dit ça? Le cheikh, il explique qu'il y a deux points de vue ou deux façons comment on peut répondre à cette question-là. Premièrement, il s'agit en réalité de deux sciences, deux connaissances séparées. La connaissance d'Allah de ces événements-là après qu'elles se produisent, et la connaissance d'Allah du fait que la connaissance de ces choses-là après qu'elles se soient produites, et la connaissance de leur comment on dit ça? J'essaie de trouver le bon terme là pour dire biwuqu'iha, ça veut dire leur avènement, quand quelque chose se produit. Donc c'est ça. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'elle se soit produite et au moment où elle se la connaissance de leur avènement. Bon, je vais dire ça comme ça. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'elle soit arrivée, cet événement-là, et la connaissance d'Allah de leur arrivée, hein, de son arrivée. Avant qu'elle arrive et la connaissance de son arrivée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh, il dit, la connaissance de son arrivée, avant que cette chose-là arrive, et la connaissance, hein, il dit, ilmuhu biha, qabla wuqu'iha, ilmun biha, annaha sataqa. Donc la connaissance de la chose avant qu'elle arrive ou avant qu'elle se produise, c'est une connaissance qu'elle va arriver. Bainahuma farq. Donc, il y a une différence entre les deux. Ilmuhu biha, qabla wuqu'iha, ilmun bi annaha sataqa. La connaissance d'Allah de cette chose avant qu'elle arrive ou avant qu'elle se produise, c'est une connaissance que cette chose-là va arriver. Il dit par exemple, il donne un exemple pour distinguer entre les deux connaissances. La connaissance de la chose avant qu'elle se produise et la connaissance qu'elle va se produire et la connaissance de la chose une fois qu'elle s'est produite, après qu'elle se soit produite. C'est quoi la différence entre les deux? Il donne un exemple. Il dit, toi, tu sais qu'on va faire le adhan à midi et 10. Tu sais qu'à midi et 10, on va faire le adhan. Ça, c'est une connaissance de la chose avant que cette chose se produise, avant que cette chose-là arrive. Tu sais qu'il va avoir le adhan à cette heure-là, midi et 10. Et lorsque le adhan arrive à ce moment-là, c'est pas une connaissance nouvelle. Hein? C'est juste la chose elle-même qui se produit. Parce que tu as eu la connaissance préalable que cette chose-là allait arriver à ce moment-là. Mais c'est une connaissance de cette chose-là après que ce soit produite. Quand tu l'entends, l'adhan, après, là tu sais que la chose s'est produite. D'accord? Avant que le adhan se produise, tu savais que le adhan allait arriver. Quand le adhan s'est produit, là, tu as une connaissance que le adhan s'est produit. Donc, c'est deux connaissances différentes. Hein? Et ce n'est pas une connaissance nouvelle qui s'est renouvelée. C'est deux connaissances différentes. Et il dit, donc, la connaissance des choses de la part d'Allah, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala connaisse les créatures et les créations avant qu'elles arrivent, ça c'est une connaissance qu'elles vont se produire. Et sa connaissance de ces choses-là après qu'elles se soient produites, ça c'est une connaissance qu'elles se sont produites et qu'elles sont arrivées. Donc c'est deux connaissances séparées, différentes. Et l'autre explication, c'est une connaissance, c'est une explication qui est encore plus claire, encore plus droite. Il dit que la connaissance d'Allah avant que la chose se produise, c'est une connaissance sur laquelle il n'y a pas de récompense ou de châtiment qui en découle. C'est-à-dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'une chose soit arrivée ou avant qu'une chose se produise, il n'y a pas de châtiment ou de récompense qui en découle. Le châtiment et la récompense découlent uniquement de la connaissance d'Allah des choses une fois qu'elles se sont produites, une fois qu'elles ont eu lieu et qu'elles sont arrivées. D'accord? Donc, le cheikh, il va donner un exemple. Il dit, وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ حَتَّى نَعْلَمْ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait si on allait être des mujahidines, si on allait lutter dans son sentier et qu'on allait être endurant ou non. Il le savait à l'avance. Mais est-ce qu'il va nous punir pour ne pas avoir été parmi ceux qui luttent et parmi ceux qui sont endurants? Est-ce qu'il va nous punir pour ça selon uniquement sa connaissance avant que l'événement se produise ou après que la chose soit arrivée et qu'on ait été soit des gens qui luttent dans son sentier et qui sont endurants ou on ne le sera pas une fois que la chose s'est produite ou non. C'est à partir de ce moment-là que Allah va nous récompenser ou nous punir. Pas selon sa science avant que la chose se sera produite. Et c'est pour ça qu'il dit ici dans le verset, pour jusqu'à ce que nous sachions yani, qui va être parmi les mujahidines, qui va être parmi les patients et les endurants. C'est-à-dire que lorsque cette chose-là va se produire et qu'elle va arriver, si elle arrive, alors c'est là qu'il y aura une récompense. Ou qu'il y a, et si elle n'arrive pas, alors c'est là qu'il y aura un châtiment. D'accord? Ou par exemple, si quelqu'un, par exemple, Allah, il savait qu'il allait faire le zina à tel moment. Mais est-ce qu'il va, il va le punir uniquement par la connaissance qu'il avait qu'il allait le faire? Ou bien il va le punir par la connaissance une fois que la chose s'est produite? C'est uniquement une fois que la chose s'est produite qu'il va mériter et qu'il va être châtié s'il ne s'est pas repenti pour ce péché-là. Donc, tout ça pour dire que les deux sont deux connaissances différentes. La connaissance de la chose avant qu'elle soit arrivée et la connaissance de la chose une fois qu'elle est arrivée, c'est deux connaissances différentes. Et il dit le cheikh, حَتَّى نَعْلَمْ فَقَوْلُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ حَتَّى نَعْلَمْ أي عِلْمًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لأن هذا المبتلى لا يوجد أصلا. C'est comme par exemple l'exemple que j'ai souvent mentionné. Si Allah subhanahu wa ta'ala il avait créé les créatures et qu'il les avait mis directement au paradis et en enfer. Tous ceux qui sont au paradis, il les met au paradis directement. Et tous ceux qui vont en enfer, il les met en enfer directement. Sans les avoir fait passer l'épreuve sur la terre. Alors, qu'est-ce que les gens auraient dit? Qu'est-ce que les hommes auraient dit? Ceux qui méritent ceux qui sont au paradis, ils auraient été satisfaits de ça. C'est sûr. Mais ceux qui auraient été en enfer, ils auraient pu dire, non, on aurait été éprouvés, on aurait passé le test, on n'aurait pas mérité le châtiment. On aurait fait les bonnes œuvres, on aurait cru en toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu leur faire passer cette épreuve dans cette dunya pour établir la preuve contre eux. Pour que celui qui est sauvé avec preuve et pour que celui qui périt périsse avec preuve. Comme ça, il n'y aura pas d'argument ou de preuve pour celui qui n'accepte pas le verdict d'Allah. Il ne peut pas renier la preuve de ses propres œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? C'est pour ça que le cheikh dit, quand Allah il dit dans le verset « jusqu'à ce que nous sachions », c'est-à-dire une connaissance sur laquelle découle la récompense et le châtiment. Ou une connaissance de laquelle découle la récompense et le châtiment. Parce que la première connaissance, c'est-à-dire la connaissance d'Allah avant que la chose se produise, eh bien, il n'y a pas de châtiment ou de récompense qui en découle. Hein? لِأَنَّ هَذَا الْمُبْتَلَى لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا. Il dit parce que cette personne, elle n'existait même pas déjà à l'avance. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَلِمَ أَنَّ الْعَاصِي سَيَعْمَلُ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَزَلِيًّا لَا يَزَالُ فِي نَفْسِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ هَذَا الْمَخْلُوقَ الَّذِي عَصَى اللَّهِ لكن علمه بعد المعصية هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. إذن وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Donc ici le cheikh il dit, c'est-à-dire que la première science, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de conséquences qui en découlent, de châtiment ou de récompense, parce que cette personne, elle n'existait même pas encore. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah, il avait tout écrit, qu'est-ce qui allait arriver à la création. Et il le savait éternellement qu'à tel moment, à telle fraction de seconde, telle personne allait faire tel péché, telle personne allait dire telle parole, telle personne allait faire telle action. Mais il n'a pas basé la récompense et le châtiment uniquement sur sa connaissance du rêve et la connaissance de l'avenir. Non, il a basé le châtiment ou la récompense sur les œuvres que font les serviteurs. Hein? Et donc, au moment où les serviteurs font ces œuvres, c'est sa connaissance de ces œuvres-là sur laquelle il va se baser le châtiment ou la récompense. Et il dit, c'est ça, et il dit donc, nous avons dit ça, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance est infinie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, ne savez-vous pas, ou ne sais-tu pas, que Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et cela est certes dans un livre, et certes, cela est facile pour Allah. Pour nous, les êtres humains, on n'arrive pas à comprendre toutes ces questions qui ont rapport avec la prédestination et avec la destinée. Et vous voyez que parfois même les koufars, ils essaient d'imaginer les questions de pouvoir travailler, voyager dans le temps. Qu'est-ce qui arrive si on retournait dans le passé? Et si on retournait dans le passé, est-ce qu'on pourrait changer l'avenir? Et qu'est-ce qui arriverait si on changeait ci et ça? Hein? Donc, ils essaient d'imaginer des scénarios, puis des toutes sortes de... Hein? Allah est l'awwal wa l'akhir. C'est-à-dire, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, huwa l'awwal wa l'akhir. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Il a toujours existé, son existence est éternelle. Hein? C'est lui qu'on appelle l'éternel. Hein? Donc, c'est ça la réponse à cette question. Et le cheikh, il dit, « Innama qulna dhalika, ok. Wa qawluhu waqtadat hikmatuhu. Wal hikmatu wad'u l'ashya fi mawadi'iha. Wa'alam. » أن كل شيء يقع في الكائنات وكل شيء يحكم الله به من المشروعات فهو على وفق الحكمة وإذا آمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه، لأن الإنسان لقصور علمه قد يتراءى أن هذا الشيء مخالف للحكمة، فإذا تراءى لك أن هذا الشيء مخالف للحكمة فاتهم رأيك، لأن الذي قدره أو شرعه فهو الله عز وجل، وهو أحكم الحاكمين، فلا يمكن أن يوجد شيء من الكائنات أو من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة، ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر، لو لم نفعل ذلك لما رضينا بالله ربا، لأن الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة، إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعد الآن. Donc le cheikh il dit, et c'est-à-dire par rapport à la phrase précédente, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'on croit au qadar, ça veut dire qu'il a tout prédestiné ce qu'il y a dans la création et dans l'univers, selon ce qui a précédé dans sa science et selon ce qui est impliqué par sa sagesse. Qu'est-ce que ça signifie? La sagesse, c'est de mettre chaque chose à la place où elle va. De mettre chaque chose à sa place. C'est ça, al-hikma, le sens de la sagesse. Et il dit, par exemple, sache que tout ce qui arrive parmi les créatures, toute chose, c'est par le jugement d'Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a décrété et qui l'a jugé, que ce soit dans la création ou que ce soit dans les législations et dans ce qu'il a révélé dans ses lois. Tout ce qu'il a révélé et tout ce qu'il a prédestiné, il y a la sagesse ultime dedans et la parfaite sagesse dedans. Et donc, tu dois croire en cela. Et lorsque tu as cru en cela, eh bien, tu vas savoir que tout ce qui se produit, que ce soit dans les questions de la religion ou dans les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées, il n'y a pas d'objection possible à faire sur ces choses-là, sur aucun plan et dans aucun point de vue. C'est-à-dire que personne n'a le droit de s'objecter à quoi que ce soit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et prédestiné ou légiféré. Et si quelqu'un, par exemple, il réfléchit à quelque chose de qu'est-ce que Allah a créé et qu'il considère à cause de la faiblesse ou de la limite de sa connaissance que cette chose qu'il a constatée contredit la sagesse divine, hein, eh bien, à ce moment-là, il doit non pas accuser la sagesse ou dire que cette chose dans la création ou dans la législation divine contredit la sagesse. Non, il doit plutôt remettre en question son opinion et son jugement et dire, hein, non, c'est pas le jugement d'Allah et c'est pas ce que Allah a légiféré et c'est pas ce que Allah a prédestiné qui n'est pas sage ou qui est en contradiction avec la sagesse, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout prédestiné et qui a tout légiféré dans la législation divine, et c'est le plus juste et le plus sage des juges. Et donc, il n'est pas possible qu'il y ait quoi que ce soit de ce qu'il a créé ou de ce qu'il a légiféré, excepté que ce soit en accord avec la sagesse. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est obligatoire de se soumettre à ce qu'il a légiféré et de se soumettre à ce qu'il a prédestiné. Et si on ne le faisait pas, eh bien, on n'aurait pas été satisfait d'Allah comme étant notre Seigneur. On n'aurait pas été satisfait d'Allah comme étant notre Seigneur. Parce que toi, tu dis, « Raditu billahi rabban » Je suis satisfait d'Allah comme mon Seigneur. Donc, si tu dis, Hein? J'accepte pas qu'est-ce que Allah a légiféré. Ou ce que Allah a légiféré, ou ce qu'il a prédestiné, ce n'est pas en accord avec la sagesse. Dans ce cas-là, tu n'es pas satisfait d'Allah comme étant ton Seigneur. Hein? Parce que c'est Allah qui l'a légiféré cette chose, et qui l'a prédestiné cette chose. Donc celui qui est satisfait d'Allah comme étant son Seigneur, eh bien, il va se soumettre à ce qu'il a légiféré. Et il va se soumettre à ce qu'il a prédestiné dans le sens qu'il va l'accepter. Hein? Il va l'accepter, il va accepter que cela vient d'Allah et que c'est pour une sagesse. Hein? Qu'il le comprenne ou qu'il ne le comprenne pas, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Hein? Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu ne le comprends pas, mais peut-être que plus tard tu vas le comprendre. Ou peut-être que tu ne vas jamais le comprendre. Mais peu importe. Du moment que tu sais que ça vient d'Allah, tu dois te soumettre et avoir confiance en le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prédestiné pour une sagesse. Des fois, il y a des gens comme ça. Ils veulent comprendre tout de ce que Allah a prédestiné. Pourquoi Allah il a prédestiné hein, telle chose dans l'histoire ou telle chose dans la création? Pourquoi Allah a prédestiné telle chose chez les animaux ou dans la création, ou dans l'univers, ou dans le ciel, ou dans l'espace, ou dans la terre? Hein? Souvent, les gens ils posent des questions comme ça. Ou ils demandent des questions par rapport à la législation divine. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné que pour tel péché, il y a telle punition. Et pour tel péché, il a telle punition. Hein? Donc, il y en a qui, c'est arrivé dernièrement, il y a quelqu'un, subhanallah, qui m'a contacté, me posait plein de questions par rapport à ces choses-là, sur la sagesse des peines ou des punitions. Parce que vous savez que les koufars, beaucoup de koufars, ils n'acceptent pas les règles de l'islam. Hein? Pourtant, ils sont prêts à accepter n'importe quelle règle de la dunya que les koufars ont légiférée. Hein? Et même s'ils ne les acceptent pas, mais ils vont dire, bon, si c'est des choses qui ont été décrétées par leur loi, même s'ils ne sont pas d'accord, ils les acceptent parce qu'ils disent c'est notre système, on n'a pas le choix. Hein? Mais quand c'est des choses qui ont été prédestinées par Allah et légiférées par Allah et qui font partie de la révélation, tout d'un coup, ils veulent hein, rejeter ces lois-là et ils refusent de les accepter parce qu'ils disent non, ça c'est des lois, c'est des lois de la religion, nous on n'est pas d'accord. Pourtant, dans les lois de la dunya, des êtres humains, ils les acceptent. Il y en a qui disent, mais pourquoi dans l'islam, il y a la peine de mort? Parce qu'eux, ils sont contre la peine de mort. Pourtant, dans les lois des hommes, il y a la peine de mort aussi. Peut-être pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, il y a la peine de mort. Et même si on dit pas dans tous les pays, ça c'est récent. Parce que si tu recules peut-être 100 ans en arrière, ou même un peu moins que ça, il y avait la peine de mort partout en Europe. Personne ne remettait en question la peine de mort. Et jusqu'à maintenant, comme tu dis, aux États-Unis, il y a encore la peine de mort, et dans beaucoup d'autres pays, dans le monde entier, il y a la peine de mort pour certains crimes. Hein? Donc l'islam a légiféré la peine de mort bien longtemps avant. Et même dans la Bible, il y a la peine de mort. Tu retrouves la peine de mort dans l'Ancien Testament, dans les lois de Moïse. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la peine de mort pour beaucoup de péchés. Donc eux, ils disent, mais pourquoi il y a la peine de mort? Pourquoi la mort, c'est grave et tout, et tout, et tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Arhamur Rahimin. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc s'il a légiféré la peine de mort, c'est pour une sagesse. Et il y a un bien là-dedans. Peut-être que toi, tu analyses l'affaire et tu ne vois pas la sagesse qu'il y a. Tu penses que ce n'est pas quelque chose de bien. Tu dis, ah, mais pourquoi ça, c'est cruel, c'est comme ci, c'est comme ça. Sauf que si tu utilisais ta raison comme il faut et que tu réfléchissais comme il faut sur la peine que Allah a légiférée sur certains crimes, eh bien, tu constaterais et tu accepterais que c'est pour la plus grande sagesse et pour les meilleures raisons que Allah a légiféré ça. Et c'est par sa miséricorde aussi. Hein? Mais des fois, comme on dit, les êtres humains, ils sont faibles d'esprit. Et ils sont limités et ils suivent leur passion. Il y en a qui disent, par exemple, si tu regardes dans certains pays, comme ici par exemple, ils ne pensent que à la victime. Ils ne pensent que au coupable, comme la miséricorde que pour le coupable. Hein? Un homme, qu'est-ce qu'il a fait comme crime et comme meurtre, hein? Comme par exemple quelqu'un qui rentre dans une mosquée avec une arme, puis qui tue et qui massacre des dizaines de musulmans, hein? Puis il va juste aller en prison, hein? Pendant je sais pas combien d'années, même s'il lui donne la vie, hein? En prison. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait en prison? Il mange, il dort, il peut même aller faire du sport, un petit peu d'exercice, hein? Il peut aller lire des livres dans la bibliothèque. Il passe sa vie, yani, calme, relax, en toute sécurité, en toute protection. S'il tombe malade, on va même le traiter, il va lui donner des soins, hein? Et ainsi de suite. Et il y a même des divertissements et des choses comme ça. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont été tués. Les victimes et la famille de ces victimes, eux, ils sont morts. Hein? Ou bien la famille des victimes, ils souffrent de ça. Hein? Et il n'y a pas eu de réparation. Il n'y a pas eu de justice. Hein? Et qu'est-ce qu'on dit? Yanni, il faut avoir la miséricorde pour le tueur. Il faut avoir la miséricorde pour le criminel. Il faut avoir la pitié pour lui. On veut pas lui enlever sa vie, le pauvre. Lui, il n'a pas eu de pitié pour enlever la vie à une dizaine de personnes ou plus. Mais pour sa vie à lui, oui, il faut avoir la pitié, la miséricorde. Hein? Non, donc, on a la pitié pour la victime. On n'a pas de pitié pour la victime. On a la pitié. Hein? On n'a pas de pitié pour la victime. On n'a pas de pitié non plus pour les familles de ces victimes. Mais pour les criminels, oui. Où est-ce qu'elle est la logique là-dedans? Ouais, non, ça c'est autre chose. Moi, je donne ça juste comme un exemple. Ça aurait pu être un autre exemple. Mais c'est comme ça la mentalité des koufars, surtout en Occident, de toujours regarder à la miséricorde et la pitié seulement pour les tueurs, seulement pour les criminels. Mais on ne pense pas aux victimes et aux familles des victimes. Où est-ce qu'elle est la justice là-dedans? La justice, ça implique qu'il y ait une réparation. Et la réparation, ça implique que la personne qui a commis le crime, il doit subir, hein, ce qu'il a fait subir aux autres. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Malgré que même dans la charia, on sait que si quelqu'un il a tué la famille de la victime, a le droit de pardonner et d'excuser au tueur et de ne pas demander à ce qu'il soit exécuté. C'est permis dans l'islam. Si quelqu'un, par exemple, il a tué quelqu'un de ta famille, tu as le droit de dire, OK, je l'excuse de la punition. Je ne veux pas qu'il soit exécuté pour le meurtre. Ça, c'est une miséricorde. Ici, tu ne peux pas faire ça. Non, le prix du sang, ça, c'est qu'est-ce que le criminel doit payer aux héritiers de la victime pour compensation pour sa vie. Mais la peine de mort, ça, c'est quelque chose de plus. Hein? La peine de. Mais il doit le payer de toute façon. Ouais. De payer le prix de sang de toute façon. À la kulli hal, le cheikh, il a expliqué ça, c'est juste pour qu'on réalise et qu'on comprenne qu'il faut accepter la sagesse d'Allah dans tout ce qu'il a légiféré et dans tout ce qu'il a prédestiné. Et le cheikh, il dit ensuite, فَمَثَلًا قَدْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ ثُمَّ يَجِدُ مَوَانِعَ تَمْنَعُهُ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ مُقْتَضَيَاتٍ تقتضي أن يفعل غيره فتجده يندم ويتكدر وإذا بالأمر يكون الخير فيما اختاره الله له ويعلم أنه لو فعل الأمر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه ولكن الله قدر الأمر على خلاف ما يريد لحكمة wahiya min maslahati al-abd. Donc il dit par exemple, des fois un être humain il veut faire quelque chose. Puis il y a des empêchements qui viennent l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Ou bien des choses qui impliquent qu'il va être obligé de faire quelque chose autre que ce qu'il voulait faire à la base. Alors tu vois que la personne, elle a des remords, elle est triste. Hein? Elle dit, oh, j'aurais voulu faire ça, dommage, c'est pas possible. Hein? Toi, par exemple, tu voulais partir en vacances. Tu dis, oh, je vais aller en vacances, je vais aller dans les îles faire 2 semaines. Tu arrives à l'aéroport, il y a une panne. Les avions, ou bien il y a une tempête, les avions, tous les départs sont annulés. Là, tu rentres chez toi. Tu dis, ah, oh, je voulais aller, puis finalement, j'ai pas pu. Hein? Là, tu es triste. Finalement, tu regardes la télé, tu regardes les nouvelles, tu dis, ah, oh, il y a eu une grosse tempête, une grosse ouragan dans tel endroit où toi, tu devais aller, et il y a eu plein de morts. Finalement, t'es pas allé. Allah a prédestiné que tu pouvais pas partir. Et ça a été un bien pour toi. Hein? Alors, tu réalises que ce que Allah a prédestiné était meilleur pour toi, hein, que ce que tu voulais faire. Et donc, ça, c'est parce que Allah, il a voulu autre que, il a prédestiné autre chose pour toi que ce que tu voulais faire pour une sagesse. Et c'est dans l'intérêt du serviteur. Hein? Donc, ça, c'est un exemple que je donne seulement. Il dit, وَكَذَلِكَ قَدْ يَنْقُلْ الْإِنسَانُ وَظِيفَتَهُ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَتَجِدُهُ يَتَكَدَّرُ كَيْفَ أَذْهَبَ عَنْ أَصْحَابِي كَيْفَ أَذْهَبُ عَنْ أَصْحَابِي الَّذِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ إِلَى بَلَدٍ لَا أَعْرِفُهُ ثُمَّ يُقَدَّرُ لَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل أو يكتسب مالا وغنا لم يكن مهيئا له من قبل إذن الخيرة بما وقع لا بما قدره الإنسان فلذلك يجب علينا أن نعتقد مقتضى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما وأن الحكمة في كل ما قدره الله وشرعه وأنت سر مع القدر حيث سار تجد الطمأنينة والاستراحة التامة لكن في المعصية لا ترضى بها. Donc le cheikh il dit, comme par exemple quelqu'un il était dans son travail, ok. Et finalement, son patron lui dit, écoute, il va falloir que tu sois, qu'on déménage ton poste. On va te faire déménager ou aller travailler dans telle ville ou dans tel pays, tu dois aller. Alors la personne, elle est triste. Elle dit, mais comment je vais quitter tous mes amis, mes compagnons, pour aller dans un pays étranger ou une ville étrangère que je ne connais pas? Je ne connais personne là-bas. Puis finalement, la personne, elle part dans ce pays-là et elle obtient de la science, du bien, de l'enseignement et de l'orientation, des choses qu'elle n'avait pas auparavant. Ou bien elle obtient de l'argent et de la richesse qu'au début, elle n'avait pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien, il est dans ce qui se produit non, et dans ce que Allah a prédestiné, non pas ce que l'être humain avait voulu ou pensé faire. Et donc c'est pour ça que il est obligatoire pour nous de croire en ce qui est impliqué par la parole d'Allah lorsqu'il dit, certes, Allah est omniscient et sage. Hein? Il a la connaissance de toutes choses et il est sage. Car la sagesse, hein? La sagesse dans tout ce que Allah a prédestiné, dans tout ce qu'il a légiféré, elle est présente. Et toi, tu dois avancer avec la prédestination, là où la prédestination va, et te sentir en sécurité et en repos complet par rapport à ce qu'il a prédestiné pour toi. Sauf que si tu tombes dans un péché, alors là, non. Dans ce cas-là, tu ne dois pas être satisfait de ce péché-là. Tu dois te repentir, bien entendu. Et le cheikh, maintenant, il va rentrer dans un autre sujet qui est al-maratib al-qadar, les degrés du qadar, ou les conditions du qadar si on veut, mais on ne peut pas commencer à l'expliquer aujourd'hui parce que ça, ce serait trop long. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter pour aujourd'hui ici, puis on continuera, inshallah, demain. Pas demain, mais le prochain cours, la suite, inshallah, avec l'explication de ces maratib. Et les maratib, si vous voulez, on peut juste les résumer rapidement pour que pour qu'on sache de quoi on parle. C'est les quatre maratib du qadar: al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, wa al-khalq. C'est-à-dire l'écriture, qu'Allah a écrit toutes choses. Premièrement, c'est al-ilm, hein, la connaissance de toutes choses éternelles de la part d'Allah. La deuxième, c'est l'écriture, que tout ce que Allah a prédestiné, il l'a écrit dans un livre, hein, il l'a écrit dans al-lawh al-mahfouz. Donc tout ce qui a été, tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps a été écrit. Le troisième, c'est al-mashi'a, c'est-à-dire la volonté d'Allah. Ça signifie que il n'y a rien qui se produit dans la création, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Il n'y a rien qui sort de sa volonté, que ce soit bien ou mal. Et quatrièmement, al-khalq, c'est-à-dire que tout ce qui se produit, c'est Allah qui l'a créé. Hein? Peu importe la chose. Donc, ça, on va l'expliquer en détail avec les preuves de chaque degré du qadar et l'explication de chacun de ces degrés-là. Tout ça, on va l'expliquer dans les cours prochains, inshallah, jusqu'à ce qu'on termine ce dernier pilier. Puis après, on va voir les fruits de la foi en ces six piliers. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.